Parlace, de dins l'ubarace, proche de Parlace, e naut del bilace, l'aiga salvaggia, es linda e freccio. Mon amici dai set anasus bes peises en libertat. Aco eron jour d'estiu, de bes miet jour, din uriu del barace de Parlace. Michael Pentel, 2006, classe de quatrenne. Paisace de casa. Mon paire eu a la casa din la montagne de l'abeille. L'hiver fresque et gelat, loin de la bile. Un piccio bilace, lo rajal de la fonte jus la tafa de la neu. Christopher Kroll, 2006, classe de cinquaine. La ribiera. L'aigo que raja, sausi sun que l'aigo, cap d'autre bruc. L'aigo es rabento, linda. Et quand passe per la raspa, une gouttette tombe sur l'herbe, mentre que toutes las autres continuent son cami cap à la mar nostro. Célène Fabre, 2006, classe de seizaine. Lou lac, yeu et une serp, berda et jaunon que me moussega. Bol manja l'outregan ca remonta. Miet jour, fa soulel, al lac del Salagou, pesqui en bemon fraire. L'aigan escuran et fredge, lou sel tout blau. Las montagnos rugios e nusos. Lubin a calat. Thibaut de Falco, 2006, classe de seizaine. Casa d'hiver. Me lebi duran per parti, anebat. Surtissi per darie, camini pescams. Mas piados din la neu, il custat de la belanou. Aqui mon poste de casa. Proche sans peire de la fage. Ne dirai pas mai. Degu nous sap, degu nous cuneis pas. Las montagnos, las cumbos, las peiros, las bestios, suya l'esper, ne dirai pas mai. Nicolas Ubaldar, 2006, classe de cinquaine. Lou moulin de sans peire de la fage. Al soulel, lou mouli escandilla. Et à la sirène, semble d'aure. Quand le soleil célèbre, le moulin esclaire en le bilace. Quand buffe l'or et taral, bire sa zale au scum un cabour. L'estiu, la caloule en sucre, mas l'hiver s'épelle. Le moulin est d'ariel ou biradou, per anal cirque des gourgas. Le moulin est force poulite en baissant teulat des fustes. Lus turistos lubeum beire quand mouline des blattes. Ludovic Baldar, 2006, classe de seizaine. Bestiote. Est une nuèche d'estiu ou de prime, mais souben y passe trop un tessé passe sur le camin biel del Salagou. Coussi est, comme un parpaillou. Une bentoulette buffe d'où son manette. Lou piccio calel de la bestiote. L'ugredge d'in lou negre. La picciotte bestion murmulege des pou de disturba la nature. Anaël Soler, 2007, classe de seizaine. Lou moustre. La première gnoche de l'autou, une moustre roudege, et sous jour d'Halloween. Lou moustre est une tau qui démore sus Mars. Sa cabella dura est une nis de cerberinusos, a des dents crudelos et d'unglos lungos, une ventresco grosse et la corniolo ben larga per où tout engouli, subre tout la carte des porcs. Cambo courte, desguindat, à las nazicos et lucais palinels, lucos ber, blau et rouge et tout gibus. Florian Parmarty, 2007, classe des quatrennes. Loubetche biou dinou lac del Salagou. La bestia es berda en bédédens grandos. A une nafradure sur l'esquine, descaumus lusentos cumo de metal. Cumo tutes lus paises laigan es un paradis. Mas for laigan pudis, for laigan muris. Manjo de paises per biure, biure. Ludovic Baldard, 2007, classe des cinquen. Lulusherbe che besi per la finestra della salle de classe al collegi. Lulusherbe bert e blau s'amusa en libertat sus un teula tout ensoleillat. Me porto la bida et tabe la gioia rescambe l'idea de se liure tutara. De me pude passeggia entre bestiotos, ausels, bartaces, peiros e armaces, cumo Lulusherbe luminus, bert e blau. Olivier Ley, 2007, classe des quatrennes. Le loup d'intraba. Ma mère me contaba le picho pourquet, prou sou ben, nous sert. Le loup est au fosso gros, en bédé dense longos, le pel gris et lisse. Et mentre que dormissioi, le loup d'intraba dins ma cambre. Per me manja. Nicolas Cartayrad, classe D, Seizen. La soupe des loupes. Mes rappels y descontes de la mamette et del maître d'école. Mes soubaignes des loupes et de la cabre del seigne et segui. Et des stress pour que tous. Loubes prenis mon liech, lous contes mes fans soumia. Lous contes d'ourou, lous maleficis, lous babao, las trebos, mes fans pau. Fau de cachubieios. Mas, cado coque ma maire me cunto lus tres porquetus, suski que maitar farai de soupe de loup. Anaël Martin, 2008, classe de seizen. La faramauco. A l'escola me cuntabon lus leberus, et la potion magique de Jordi Bouillon. Lus serre mon liech, quand escouti des contes ambe des moustres force marits, boulet di pas jus ma flassada. La faramauco, vieillant et laïda qui sentit sa sèbe et porte la patufe, la faramauco arrive. Philippe Barao, 2008, classe des seizen. La facilière. La nuetch, dit mon liech, pensi à la facilière. Capel negre, granouille sur l'espal, escupigno berda, berugo sur l'esquine, sentit sa musite. Victoria Arnau, 2008, classe des seizen. À l'escole tabé. Me contabum fosso contes, ma maire, mon paire, lou mestre à l'escole, de Saint-Esteve et de Gourgas, de contes ambe de magia. Ambe de camions endemoniats, de contes de facilieros, de leberus, de pataraunios, de contes de sourcelus, de contes de fados. Lucer di ma cambra me fasion sauneja. A l'escola tabe, Florentine Durand, 2008, classe de seizen. La donna blanca de las condaminos. Es la donna blanca che bio su la ruta. A miegio nuets pareis, mas las podes tabesuna, en dire set coach, donna blanca, dabant un miral. Es bleugis las gens e fa d'accidents. Porta de gants blancs, signe de maridage, ou de gants negres, signe de dol. La donna blanca perece belle, de mai en mai pulida, li cal prene l'âme de toutes sous hommes que sont manunestes. Tu, que t'embas à las condaminos, se sios pas honeste, se dis la fade blanca que ton âme li fara une raube nouvelle. Marlène Roustan, 2008, Liceu de Ludebre, classe de secondes.